Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans cette 62e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Merci, merci, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre cette semaine. Aujourd'hui, plein de nouveautés, du bon son, du bon reggae. Merci à tous ceux qui partagent les playlists. Je peux pas citer de nom de là, je les ai pas sous les yeux. Mais merci à tous. Bon, on va commencer cette émission avec une nouveauté, Breaking Out a Hell de Airborne. C'est aussi le titre de l'album, leur quatrième album exactement, sorti le 23 septembre dernier. On retrouve Betty, Breaking Out a Hell, Get Back to Us et Down of You. Un excellent album. On poursuivra avec Four Letter Word de Def Leppard. C'est sur l'album X, leur huitième album, sorti le 30 juillet 2002. On retrouve Unbelievable, Live, Love Don't Lie et Gravity entre autres. On poursuivra avec un petit reggae, Life is Real de Israel Vibration. C'est sur l'album Free to Move, leur 17e album paru en 1996. On retrouve Terrorist, Traveling Man et Another Day entre autres. Je diffuserai ensuite Pump It Up d'Exodus. C'est sur l'album Force of the Habit, sorti en 1992 mais réédité et remasterisé en 2008. On retrouve Me, Myself and I, Fuel for the Fire et Good Day to Die, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Pretty Boy des Bébés Brunes. C'est sur l'album Nicotine Love, leur deuxième album, sorti le 16 novembre 2009. On retrouve Seul ou Accompagné, Dynamite et La La Love You, entre autres un top album. Breaking out of hell. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Mais de rien les gars, c'est un réel plaisir pour moi de présenter cette émission chaque semaine. Vous êtes toujours dans la Vampire Freaks numéro 62, on vient de se faire un excellent bloc. Breaking Out à Hell, le nouveau Airborne, Four Letter Word de Def Leppard, Life is Real de Israel Vibration, Pump It Up de Exodus et on a fini en live avec Britty Boy des Bébés Brunes. On continuera cette émission avec I Shall Return de Trust, c'est sur l'album Rock'n'Roll, leur cinquième album sorti en 1984. On retrouve Chacun sa haine, Serre les poings et Rock'n'Roll Star entre autres. On continuera avec Foreign Policy de Megadeth et sur leur nouvel album Dystopia sorti le 22 janvier 2016. On retrouve The Street is Real, Poisonous Shadows et Conquer or Die. Je poursuivrai ensuite avec une nouvelle nouveauté, Take Me, le nouveau Korn, c'est sur l'album The Serenity of Suffering, leur 12e album, sorti le 21 octobre de dernier. On retrouve Rotting in Veil, Black is the Soul et A Different World, un top album. Tiens, un petit classique, I Need Somebody de Iggy Pop, c'est sur l'album Cow Power, leur 3e album, sorti en 1973 de Iggy Pop and the Stooges. On retrouve Search and Destroy, Shake Appeal et Death Strip, un de mes albums fétiches de Liguan. Et on finira en live avec County Line de Mano Negra, c'est sur l'album In the Hell of Pachinko au Japon, sorti le 16 novembre 1992. On retrouve Magic Dice, Madman Man, King Kong's Five, plein de morceaux. Un excellent album. Down.

stretch on the Indiana road. Sky blue jacket, I've done it before. Jaguar sets on the 99. Just gonna beat the bullet to the kind of line. Just to have a mind on the deal field. Speeds I set at the top of the air. I set at 35 miles and it's the inline. Love the jacket and I thought the button never met a sign. Deerfield was a race small town. And ran to an underneath the rail. Thompson, Fisherman, a Chevy's wife. Running on the double, the catch on guy. Vous êtes toujours dans la 62e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire I Shall Return qui est pas très connu de Trust, Foreign Policy de Megadeth, le tout nouveau Korn Take Me, le grand classique I Need Somebody d'Iggy Pop and the Stooges et on a fini en live avec Kunti Line de Mano Negra. On poursuivra cette émission avec Moth Into Flame, le tout nouveau Metallica du tout nouvel album Hardwire to Self-Destruct sorti le 18 novembre dernier. On retrouve Hardwire, Now That We're Dead. Ça faisait longtemps qu'ils avaient rien fait. Ils vieillissent très bien et c'est un superbe album. On continuera ensuite avec Quand l'Afrique va se réveiller de Tiken Jaffa Coli. C'est sur l'album Dernier Appel qui est sorti le 2 juin 2014. On retrouve Human Thing, Le Prix du Paradis et Too Much Confusion in African Nation, un album extraordinaire. On continuera avec Stay One Jump Ahead de King Jock. C'est sur l'album Outside the Gate, leur 7e album sorti le 27 juin 1988. On retrouve My Love of This Land, The Calling et Outside the Gate, un album qui vieillit pas trop mal, ma foi. On continuera avec Be Quiet and Drive, Far Away de Deftones. C'est sur l'album Around the Four, leur 2e album, sorti le 27 octobre 1997. On retrouve Labia, Around the Four et Lotion. C'est pas mon album préféré, mais je l'aime bien. Et on finira en live avec une nouveauté, L'Enfant Sauvage de Goririn. C'est sur le Live Well Fest en 2016. On retrouve Toxic Garbage Island, Silvera, Flying Whales, une grande démonstration de son et un excellent album, ma foi.

stop that. Paranaya, ben you come far. Babylon system, ben on better. Ciel s'élève aujourd'hui. Ciel s'élève aujourd'hui. Ciel s'élève aujourd'hui. Ciel s'élève pour du nord. C'est qu'elle a des raisons. Mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Quand la pluie va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. Quand la pluie va se réveiller, quand la pluie va se réveiller. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vous êtes toujours dans la 62e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire le tout nouveau Metallica, Moth Into Flame. On a eu ensuite Quand l'Afrique va se réveiller de Tiken Jaffa Coli. J'y passe ensuite Stay One Jump Ahead de Killing Joke. Be Quiet and Drive Far Away de Deftone. Et on a fini en live de l'enfer avec le tout nouveau Gojira. C'est sujet de Live Hellfest. On continuera cette émission avec Destruction de Jimson Weed. C'est le tout nouveau Jimson Weed. C'est sur l'EP Résurrection sorti en 2016. On retrouve Metal Massacre, Sans Lueur d'Espoir, Vendredi Maudit et Destruction. Allez faire un tour sur la page Facebook et YouTube de Jimson Weed. Et ils sont en concert en ce moment. Toutes les infos, c'est chez eux. Je passerai ensuite Club 666 des Satan Jokers. C'est l'album Sex Opera sorti le 2 décembre 2014. On retrouve Préliminaire à l'infini, Asphyxie érotique et Voyeur. Un excellent concept album. J'espère qu'ils vont ressortir quelque chose. On continuera avec un grand classique, Burning For You des Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Fire of Unknown Origin, leur 8e album sorti en juillet 81. On retrouve Veteran on Psychiqua, After Dark et Don't Turn You Back, un très très grand classique du son culte. Allez, un petit reggae, Sound Killer d'Alborosi, c'est sur l'album Soul Pirate sorti en 2008. On retrouve Diversity, Precious, Herbalist et Bad Mind, un top album. Et on finira ce bloc en live avec le tout nouveau Massisteria live au Trianon. C'est la Matière Noire. Il est sorti le 15 juillet 2016. On retrouve Chien de la Casse, Tout est Poison, L'Enfer des Dieux. Un album vraiment, vraiment excellent. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. We'll be right back. gunshot. Idiot sound get clear clap. Clack, clack, clack, you dog crap. You jump out, so just pack up and I walk out how your thing flap. You fool a rare. If you no go to no gunshot, nothing can be reg. You push the bass way up, but he no dead. How come you never get no dub from Alba Rosie? How come you never spend a little money for that dub? You drunk ya damn fam, but the one your name dance a little pretty like tango. Nobody try, disrespect King Selassie I. A big man like you, they pan the ground and a cry. Don't ask me why, back up bye bye. I saw the thing set in a dancehall style. On a travaillé quelques fois dans cette salle, mais on n'a jamais joué. Merci de nous faire vibrer. Merci de faire complet. Matière noire. Tout le monde. Ensemble, restez comme vous êtes. bras et dans la tête. Restez comme vous êtes. Le combat est dans la tête. Restez comme vous êtes. Le combat est dans la tête. Est-ce que vous êtes prêts? Soyons tous ensemble, marchons tous ensemble, restez comme vous êtes, le combat est dans la tête. Soyons tous ensemble, marchons tous ensemble, restez comme vous êtes. Le combat est dans la tête. Restez comme vous êtes. Ça va là? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a personne de blessé? Bon, restez comme vous êtes, y'a quelqu'un qui a perdu ses lunettes. Merci, c'est les miennes. Vous êtes toujours dans la 62e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Destruction, le tout nouveau Jimson Weed, Club 666 de Satan Jokers, Burning For You, le grand classique de Blue Oyster Cult, Soundkiller d'Alborosi, et on a fini en live avec Matière Noire de Mass Hysteria. On continuera avec The Holographic Principle, le tout nouveau Epica, c'est aussi le titre de cet album qui est sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Age of the Blade, Once Upon a Nightmare et de Cosmic Algorithm, j'adore cet album. On continuera ensuite avec Génération de Guérilla Poubelle, c'est sur l'album Punk égale Existentialisme, leur deuxième album, sorti le 29 octobre 2007. On retrouve Tapis Roulant, La Drogue c'est de la merde et Le Travail rend libre. Il me manque un peu les Guérilla Poubelle, mais j'ai vu qu'ils étaient en tournée, donc peut-être que... Allez, un petit coucou, Papa de Parabellum, c'est sur l'album Danse, Micro-Sillon, un faisceau de lumière cohérent, 1989. On retrouve Père Noël, Welcome to the Paradise et Cayenne. Tu nous manques, Papa Schultz. On poursuivra ensuite avec Les Rues de Saint-Paul du Peuple de l'Herbe, c'est sur l'album PH Test 2, sorti en 2002. On retrouve Délice, No Escape et Parkside Souvenir. C'est l'une des chansons préférées de mon neveu de 8 ans, alors quand il monte dans les R5 à fond la caisse. Alors je te dédicace mon petit Liam, Les Rues de Saint-Paul du Peuple de l'Herbe. Et on finira ce bloc en live avec Massacre de Thin Lizzy. C'est sur l'album Johnny De Fox, leur 7e album sorti en 1976. C'était la semaine dernière ça. On retrouve Rocky, Borderline, Old Flame, un autre grand classique du genre. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Se partì con la vera e cosa che tu ne sei. veulent plus. Ils ne pensent plus qu'à être promus. Ils sont prêts à vendre leur cul. Jeunesse réactionnaire respecte la télé comme leur mère. Future famille nucléaire. Préfabriqués et conformistes sur la prochaine élite fasciste. Le monde de l'abondance, sous la victoire de l'ignorance. La seule liberté dans la danse. Génération jeune est la plus belle conquête du hamburger et d'internet. Il court sur la route tracée du superflu conditionné. Chante sont l'illusion de leurs envies, le plaisir que je leur fais. Il n'y a plus de misère, juste le fric et la beauté. Nos dictatures se perdent marché. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. On vient d'écouter The Holographic Principle, le tout nouveau Epica, Génération de Guérilla Poubelle, Papa de Parabellum, Les Rues de Saint-Peuple du Peuple de l'Herbe, Massacre en live de Tin Lizzy. Cette 62e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Retrouvez aussi les podcasts sur archive.org, l'émission radio. Je laisserai la place à Arnaud avec Vive ma liberté, c'est sur l'album Idiot Savant, sorti en 1993. On retrouve Beautiful Day in LA, Newborn Monkey et les filles du bord de mer, entre autres. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Thank you. entubés.